GST de la belle que du siffleux venu pour gâter la fête, hein. J'ai pas dormi de toute la soirée, dormi toute la night. Mais c'était flots qu'on laisse les parler. C'était jaloux, rien qui jacque. J'ai toutes les clés des portes de Paris, oui. Les clés de Paname. Ce soir c'est chaud, ce soir c'est gâté. Ce soir c'est chaud, ce soir c'est tête. Et je resterai qu'un banlieusard, j'suis pas là pour la plaire. Elle veut que je l'appelle baby love, j'suis pas d'un truc comme ça. J'ai fait couler son mascara, j'ai racheté quelques sacs. Et si tu fuis après l'orage, c'est que tu méritais pas. Blessé au cœur, une fois parti, on n'est jamais revenu. Charismatique, parfois toxique, on est plusieurs dans mon crâne. J'pensais que tout sera, te ferait rêver, regarde ce que t'es devenu. Écrit méchante, souvent mauvaise, y'a que de la haine au programme. J'peux plus me battre, non, moi je laisse faire le karma. Si c'est toi qui es en tort, tu me demanderas pardon. J'peux plus me battre, non, moi je laisse faire le karma. Si c'est toi qui es en tort, tu me demanderas j'ai pardon. J'ai pas dormi de toute la soirée, dormi toute la night. Mais c'est des flots qu'on laisse les parler. C'était jaloux, rien qui jacque. J'ai toutes les clés des portes de Paris, oui. Les clés de Paname. Ce soir c'est chaud, ce soir c'est gâté. Ce soir c'est chaud, ce soir c'est tête. Ma chérie, faut pas pleurer. Ma chérie, faut pas se prendre la tête. La roue finit toujours par tourner. Le soleil se couche toujours à l'ouest. Ma chérie, faut pas pleurer. Pleurer. On t'avait prévenu qu'il faut pas jouer. Jouer. Zifu Poro, négro déter. Baby, tu sais que j'peux pas faire. Des trucs chelous, t'es massé groupies. Elles sont cramées, c'est la merde. J'ai ton cas vu, tu veux refaire. Changer de décor tous les jours. Y'a qu'avec moi que tu te sens sécure. Avec les balles train, j'les ai tués. Parle de moi, ses amis. Elle dit qu'elle est de la famille. Elle sait que j'peux pimper sa vie. La ramener voir les Maldives. J'connais le vice des femmes. Elle dit qu'elle dort, j'sais qu'elle fait crari. La baby, c'est ta loupe. Si on le fait pas, j'serais déjà parti. Elle connaît les vices de ma vie, mais elle veut qu'on essaye. Elle m'a donné son corps dans la nuit pour me soigner mes peines. Et de façon qui nous croit ou pas, on sait que c'est pas la chance. Je veux juste que tu rides avec moi, laisse-moi mener la danse. J'ai pas dormi de toute la soirée, dormi toute la night. Mais c'est des flots qu'on laisse les parler. C'était jaloux, rien qui jacque. J'ai toutes les clés des portes de Paris, oui. Les clés de Paname. Ce soir c'est chaud, ce soir c'est gâté. Ce soir c'est chaud, ce soir c'est tête. Ma chérie, faut pas pleurer. Ma chérie, faut pas se prendre la tête. La roue finit toujours par tourner. Le soleil se couche toujours à l'ouest. Ma chérie, faut pas pleurer.